c'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à cifou.ca. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à cifou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à l'Assemblage requis. Alex Marchand, le président de la GQTA, sera avec nous pour parler des deux moules de sujets. Et on ne goûtera probablement pas à des moules dans le segment Malbouffe, une grosse pas tendresse. Assemblage requis commence tout de suite. Bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 10 novembre 2016. On est à 168 jours de la fin de l'année scolaire. On va t'en dire les sous-titres pour Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Bande. Et moi, Tania Baudin. Salut, Tania Baudin, ça va? Ça va très bien. Ouais, veux-tu deviner qu'est-ce qui se passe aujourd'hui comme problème qui fait qu'on commence ouais, en retard? Ouais, vas-y donc, Mathieu. Hey, tu sais, des fois, quand tu changes de pantalon, t'oublies des affaires, genre ton portefeuille, puis ça te défait toute la journée, t'oublies ton cellulaire. Bon, j'ai oublié ma clé USB avec les thèmes dessus. Oh non. Fait qu'il a fallu que je lui envoie ça par Internet, c'était ridicule. Tellement long. Terrible. Terrible. Puis en plus, je fais des fonds de 40 minutes au cas où les collègues sont bien longs. Fait que les fichiers sont super lourds. C'est surtout ça, hein? C'est surtout ça, je pense. Ça arrive des collègues longues à cette émission. Pas de souci. Mais c'est pas grave. On va récupérer le temps perdu en ne prenant pas trop de pause musicale dans cette première heure, du moins. Parlons du plan d'émission d'aujourd'hui. Donc, à 8 h, on va voir la collègue de la GEQTR avec Alex Marchand. On va parler des funérailles de François Fugère, des portes ouvertes de l'UQTR qui avait eu récemment, en fait, semaine passée, le 40e Fécum, le 5 à 7 du premier cycle, le camp des administrateurs, ainsi que le jeu Trivia Crack qui s'en vient. Oh. Ils font plein de jeux, hein, la GE, Trivia Crack, j'ai vu Atome Crochu, Génie en Herbe. Pour vrai? C'est vraiment le fun. Comme, je ne savais point. Comme activité. Plus tard, t'auras Tania Esgolet Tania. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Eh bien, on est jeudi. Oui. Chose difficile cette semaine, c'est de trouver des articles ou quelque chose qui parle pas nécessairement juste de Trump. Mettons, ou de la présidence américaine. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait le tour de l'actualité pour vous. Et je vous présente ce que j'ai retenu. Wow! Le beau là, le toupette! Et ouais, ouais. Comme le toupette de Trump. De Trump, fraîchement coupé apparemment. Exactement. Et en fin d'émission, on fera une grosse pointe tendresse, la chronique de Malbouffe qu'on aime tant. Je crois, j'entends dire à travers les branches que David Ferron va encore être avec nous un peu. Oh. Un peu pour la chronique. Ouais. On essaie tout le temps d'être accompagné de quelqu'un de ces temps-ci, je pense. Oui, oui. Ça va être le fun, donc ça c'est vers la fin de l'émission. Mais on va débuter à l'instant avec une façon de... Comment dire? Je pense que la meilleure façon de commencer, ce serait de peut-être suivre mes propres conseils. OK. Comme genre, laisse donc tes thèmes de l'émission et sur ta clé USB et sur l'ordinateur du studio, voir. Bonne idée. Ça fait pas juste genre 6 ans que tu fais cette émission-là, tu devrais peut-être apprendre de tes erreurs. Mais c'est pas arrivé souvent. Ah, c'est des choses qui arrivent. Peut-être moins que 5 fois dans l'histoire, je pense, que j'ai oublié ouais, ma clé USB. Ouais, je pense que oui. Mais dis-moi que je suis ici. Depuis que t'es ici, c'est la deuxième fois. Oui, ouais. Exact. Bref, je vais suivre mes conseils peut-être un jour dans les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Les instructions d'assemblage, l'école dans laquelle on se donne des conseils pour mieux vivre. Commençons avec des amitiés qui sont des fois dormantes. Tu sais, des fois, des amitiés que tu n'entretiens pas assez. Ouais. Peut-être. Donc, on dit de ramener des amitiés dormantes pour avoir des connexions plus profondes avec les gens. Hein? Se faire des amis après l'université, peut-être, c'est pas toujours facile. Des fois, c'est difficile de s'ouvrir à de nouvelles personnes, de s'ouvrir à rencontrer de nouveaux gens. Donc, si vous avez de la difficulté à construire un groupe social, peut-être que vous n'avez pas vraiment besoin de nouvelles personnes, mais de gens que vous connaissez déjà, mais que vous avez perdu de vue. en les entretenant pas. Ah, OK. Hein? Hein? Pensez aux gens avec qui vous avez peut-être connecté à travers votre vie, que vous avez passé du temps avec eux, mais que vous avez fini par vous éloigner un peu pour différentes raisons, que ce soit des couples, des enfants. Moi, c'est pas mal ça, mes raisons de... Des couples puis des enfants. Des couples et des enfants, c'est pas mal les deux ben raisons ouais. qui font que les amitiés arrêtent une fois de temps en temps, avec des horaires un peu différents, hein? comme on dit. Bref, il y a différentes raisons pour ça qui nous repoussent un petit peu, mais des fois, ça prend juste du temps et des circonstances pour nous ramener ensemble autant que des circonstances pour nous éloigner. Hein? Par exemple, si tu aimais quelqu'un dans ton cours de gym, peu importe, quand le cours s'est terminé, t'as fini par perdre contact parce que t'avais plus le cours de gym pour la voir, la personne, oui. Ou encore un parent de peut-être la garderie de ton enfant, quelque chose comme ça, dépendant de votre d'où vous êtes rendu dans votre vie. C'est pas toujours facile, mais pensez-y, puis après ça, reconnectez avec la personne. Facebook, c'est là pour ça. Cool. Hein? Cool. Un peu facile comme conseil. Ensuite, un conseil qui peut-être va sembler facile aussi, c'est de laisser tomber la garantie prolongée et garder l'argent pour vous à ben la place. Oui. Tu sais, des fois, quand on dit, bon, une garantie prolongée, est-ce que je la prends? Quand on achète un article qui coûte cher, typiquement, on nous dit que ça vaut pas la peine de prendre la garantie prolongée. Si tu paies avec la bonne carte de crédit, ça va typiquement t'offrir une protection d'achat de toute façon. Si tu penses que ton article va finir par mourir, un peu comme on programme des fois l'obsolescence, comme chez certaines compagnies, l'obsolescence programmée, laisse tomber la garantie, prenez l'argent que ça vous aurait coûté, le montant de la garantie, hein? Mm-hmm. Et mettez-le dans un compte d'économie. C'est Consumer Reports qui nous dit, nous offre un grand guide d'achat pour les garanties prolongées. En général, ils disent que ces plans-là rarement vont être pratiques dans la vie. Je suggère d'économiser l'argent que vous dépenseriez à la place, mettre ça dans un compte d'économie et quand tu vas l'avoir mis pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an là-dedans, ça va avoir ramassé un petit peu d'argent. Ou sinon, mettez-le dans un fonds désigné pour les remplacements ou les réparations de vos appareils. Ça pourrait être bien aussi si c'est pour peut-être pour réparer votre voiture aussi. Mettons, t'achètes une laveuse, sécheuse, peu importe, tu prends la garantie, tu la mets dans un compte pour payer ton char plus tard ou la réparation de ta laveuse, sécheuse. Hein? C'est un peu comme un fonds d'urgence. Si on veut, une bonne façon d'en démarrer un, d'en commencer un. Et vous pouvez aussi juste laisser tomber la garantie, rien faire avec. C'est comme ça vous tente. C'est Consumer Reports, le lien sur assemblagehockey.com. Celui-là, là. Tu sais, des fois, t'es en voiture, tu trouves que les lumières rouges sont longues un peu. Mm-hmm. On aimerait pouvoir changer les lumières rouges en lumières vertes. Ah oui, tellement. Ouais. Des fois, ça fait 5 minutes, tu dis « Ah ouais donc, ah ouais donc ». Il y a quelques façons de les faire changer vertes selon une petite vidéo sur assemblagerequis.com. Ah! Dépendant de la technologie utilisée à l'intersection où tu attends. Parce qu'il y a plusieurs technologies de lumière. La lumière peut être sur un timer. Dans ce cas, tu peux absolument rien faire. C'est d'attendre la fin du timer. Tu le vois pas, il est pas montré. Tu sais, c'est bizarre, les piétons ont un timer avec un chronomètre avec des chiffres. Mais pas les lumières. Pas les lumières. Parce que sinon, ça ferait que les gens feraient des courses. Probablement. Alors qu'à pied, c'est pas vraiment. C'est sûr. Tu le ferais, hein? Ouais. Ouais. ou sinon, ça peut utiliser des sensors. Il y a des caméras qui utilisent le détecteur de mouvement. Si tu vois une petite caméra noire sur un poteau qui regarde l'intersection, amener ta voiture, la faire rouler juste un petit peu, ça peut aider la caméra à voir que t'es en attente et devenir verte. Il y a aussi ce qu'on appelle en anglais des induction loops. Je ne suis pas un connaisseur d'électricité, mais d'une boucle d'induction dans le sol qui sont aussi communes à certains endroits. On peut les voir enterrées ou... ouais, c'est ça, un petit peu en dessous de l'asphalte, dans de petits creux en forme de rectangle à l'avant de l'intersection. Ça détecte le métal dans ta voiture en utilisant les champs magnétiques. Idéalement, tu devrais être au centre de ces sensors-là pour les faire déclencher. Si tu es dans un plus petit véhicule, comme une motocyclette, tu peux essayer de baisser le pied de ta moto pour amener plus de métal près de la boucle d'induction. Ou sinon, on peut essayer de mettre un aimant en dessous de votre vélo. OK. S'il y a des boucles d'induction dans votre quartier, votre ville, votre province, votre pays... Peu importe. J'ai pas fait des recherches à savoir quel endroit a des boucles d'induction, mais je me suis dit que c'est à Trois-Rivières, on en est. Peut-être pas à Trois-Rivières. Tu sais, quand on achète. Qu'est-ce qu'on met sur les routes à la place de mettre du sel, les gens? Parce qu'on est trop cheap. De la litière. Du poivre. De la litière. De la litière. Mais je sais pas. Moi, j'étais sûr que c'était du sel. Des fois, on mélange le sel avec d'autres choses de la terre. Ah ouais? Tu sais, des fois, c'est brun sur la route. Ouais. Bref, les employés qui se font renvoyer pendant une première vague de renvoi de congédiement. Tu sais, des fois, on se dit, bon, t'es le premier arrivé, t'es le plus récent arrivé, tu vas être le premier à partir, bon. Il y a d'autres raisons, hein? Il faut se préparer à ça, hein? Chez QL.com, c'est Nickel Murphy. Nickel, comme le restaurant de viande fumée. Oui, c'est ça. Pas pareil. Nickel. Qui nous donne donc différents types d'employés qui vont souvent être les premiers à partir pendant une ronde... de congédiement. Il y en a quelques-unes qui sont super évidentes, comme les gens qui foutent rien de leur temps et qui ont l'air de se foutre de leur job. On en reconnaît tous. D'autres exemples sont moins apparents. Les employés qui coûtent trop cher à la compagnie pourraient aussi être les premiers à partir. Ça, c'est plus tough un peu. Là. En effet, tu coûtes trop cher... Et c'est pas juste une question de salaire. Les coûts sont pas juste monétaires. Si les drames interpersonnels des employés vont ralentir la productivité, le patron va passer plus de temps en tant qu'arbitre ou en conseiller. Lorsqu'il y a une période de congédiement, ça pourrait être facile de se débarrasser de la personne qui est un problème au bureau. Hein? Délai avec cette personne-là peut coûter de l'argent. Hein? Et des fois, le premier employé à partir, c'est celui qui peut facilement voir son travail fait par quelqu'un d'autre. Selon Global Research, environ 14 millions d'emplois aux États-Unis sont à risque d'être outsourcés, comme on appelle, donc être faits par des gens en Inde, par exemple, dans d'autres pays. Avant, c'était seulement les employés des centres d'appel et les services à la clientèle qui étaient à risque du outsourcing, mais aujourd'hui, dans l'environnement connecté, pas mal n'importe quel emploi peut être complété avec une connexion Internet et un téléphone. Donc, n'importe quel emploi peut être en jeu, si on veut. On parle de tout ce qui est dans la technologie de l'information, donc l'informatique, la comptabilité, même l'ingénierie, le design sont en danger d'être envoyés outre-mer parce que c'est moins cher. Bien sûr, les employés qui n'apprennent pas de nouvelles habiletés, capacités sont à risque, donc ça paie de toujours suivre des formations, de vous tenir au courant des avancées dans votre domaine. Donc, on sait que c'est épeurant de se faire renvoyer à un moment donné, mais quand on se fait renvoyer, des fois, il y a une raison. Ensuite, trouvez les endroits froids de votre réfrigérateur pour empêcher de geler accidentellement des choses. Oh, OK. Intéressant quand même. Il y a des endroits dans ton frigo qui sont plus froids que d'autres, oui. T'as peut-être remarqué. Ce qui fait des fois que tu peux avoir quelque chose de congelé, puis c'est pas cool quand tu veux le manger tout de suite. Il faut que tu suives, faut t'attendre plus longtemps. Donc, si t'arrêtes pas de geler ta nourriture sans faire exprès, c'est Epicurious, rien à voir avec Épicure. En passant, j'ai goûté aux épices Épicure pour les Mathieu. Frites, c'était bon. Romarin ouais, et ail, okay. miam. Bref, Epicurious qui nous explique comment c'est facile de trouver ces endroits dans le frigo. Pour commencer, on peut pas mal deviner en mettant votre salsa à l'arrière du réfrigérateur. Et si la salsa gèle toujours, c'est que c'est probablement un endroit froid. C'est un bon indice de la salsa. OK. Que ça gèle facilement. Ouais, peut-être. Aussi, l'arrière de la tablette du haut du réfrigérateur est souvent plus froide, étant donné sa proximité au ventilateur du congélateur, qui est juste en haut. Dans les frigidaires qui ont... Évidemment, un congélateur en haut, hein? On se comprend là-dessus. Epicurious nous dit que si vous voulez avoir une meilleure idée des points froids dans votre réfrigérateur, on suggère que la température est à 37 degrés Fahrenheit, la température idéale, mais ça ne veut pas dire que chaque section du réfrigérateur va rester à cette température-là. Donc, on a besoin d'un thermomètre de luxe. On dit un instant read thermometer, ça veut dire un thermomètre qui monte la température en temps réel quand tu changes de place. C'est pas tous les thermomètres qui font ça apparemment, il y en a qu'il faut attendre un petit peu. Donc on met un verre d'eau dans différentes zones du réfrigérateur, à l'arrière de la tablette du haut, à l'avant de la tablette du haut, dans la porte du réfrigérateur et dans le tiroir à légumes, le crisper qu'on appelle. Placez la probe de température dans chaque verre, à la fois. Après 24 heures, vous allez savoir si la température dévie d'endroit en endroit. Donc vous pouvez aussi après ça organiser votre réfrigérateur en conséquence de façon plus efficace. Si vous voulez refroidir quelque chose plus rapidement, par exemple, vous allez savoir que vous le mettez sur la tablette du haut à l'arrière. Et problème réglé à la place. Tu sais, moi des fois je mets ma liqueur dans le congélateur, puis je l'oublie là. Ah, pas vrai. Fait que tu sais. Hein? Moins bon ça. C'est moins bon. Les gens qui sont passés à... est-ce que cet article-là date trop? Je vais juste m'assurer, je crois qu'il date trop. Je pourrais pas le faire, celui-là. Ça a changé. Non. C'est pas grave. Je voulais vous dire comment retourner à iOS 9 sur iOS 10, mais je crois que c'est passé date, on peut plus le faire. Une calculatrice maintenant qui vous montre si... ouais, je me rappelle de quand j'ai fait cette chronique-là, ça date, c'est bien. Une calculatrice qui vous montre si c'est mieux d'acheter un téléphone complètement ou de le louer. Avec un contrat. Okay. Tu peux le louer? Ouais, ben tu peux, dans le fond, quand tu te prends avec un fournisseur de téléphone, tu vas l'avoir sur 2 ans, donc c'est un peu comme une location. Ah. Si on veut, après ça, il t'appartient, mais tu sais, c'est pas la même affaire que l'acheter au complet. C'est pas vraiment le terme louer, là. C'est acheter à contrat. À contrat, et voilà. Bon. Donc acheter un téléphone. Un peu comme tout le monde ici. Un peu comme la plupart des gens. Ouais. Absolument. Mais si vous pouvez, il y en a qui suggèrent de l'acheter au complet et que ça va vous revenir moins cher. Donc on va voir. Oui, ça coûte plus cher au début. Mais ouais. Tu économises à long terme. Ouais. Parce que ça coûte cher un téléphone sur 1 an et ou 2 ans. Ouais. Très cher. Bref, on va voir dans l'article ce qu'il nous conseille. Acheter un téléphone complètement, souvent, c'est mieux que d'avoir un rabais avec un contrat, dépendant de la compagnie, dépendant du pays. Mais ça pourrait dépendre de votre fournisseur et de votre plan cellulaire. C'est une calculatrice qui vous montre combien d'argent ça vous coûte à travers le temps, à travers votre contrat, d'acheter le téléphone tout de suite ou de le louer, entre guillemets. C'est le Cell Phone Calculator du site Wallet Hub qui calcule tout pour vous, qui vous vous dit quelle est la meilleure option, acheter le téléphone complètement ou le louer. Donc vous finissez avec, vous entrez les deux options dans l'outil, ça vous dit le coût total sur une période de 2 ans. C'est un calcul basé sur la valeur dans le présent. Donc changer la valeur du téléphone va changer à travers le temps. Et ça imagine aussi un rabais annuel de 5% sur votre téléphone. C'est ce que vous avez en général sur un contrat. Dans la plupart des cas, vous allez voir que d'acheter le téléphone au complet, c'est l'option qui va vous économiser plus d'argent à long terme. Mais ça reste toujours intéressant de savoir combien les coûts varient. Il y a une petite infographique sur assemblagehockey.com. Évidemment, là, dans ce cas-ci, on parle des prix américains. Là. Ça va être en dollars américains. Mais par exemple, sur un contrat de 2 ans avec un plan individuel à 3 gigs de données sur 2 ans, ça coûte 1910$ chez Sprint. Sans contrat, 1790$. Donc là, vous avez acheté le téléphone au complet à vous-même. Le plan par mois de votre fournisseur coûte 1757$ sur 2 ans. Et le plan de Apple, si vous l'aviez payé par mois, aurait coûté 1908$. C'est ce que j'en comprends du plan. Je crois que c'est à peu près ce que ça veut dire. Il y a des plans familiaux aussi. Et ça dit aussi combien économiseriez-vous en utilisant votre vieux téléphone et un fournisseur qui coûte moins cher. Donc, allez voir ça et entrez vos données. Et vous allez voir ce que ça vous donne. C'est wallethub.com. Ensuite... On dit c'est une annonce d'intérêt public ici, d'amener votre tasse de café que vous avez tout le temps au travail, de la ramener à la maison pour la nettoyer régulièrement. Ça a l'air un peu stupide comme conseil. Hein? Mais c'est quand même très bon. C'est une bonne idée, en maudit. Même une tasse réutilisable, thermos style. Ouais, c'est ça, j'ai fait cette semaine. Oui. Je l'ai ramené chez moi, je l'ai lavé, là, ce matin, je l'ai ramené. Ça va tellement mieux. Et aussi, tu peux t'acheter une brosse spéciale pour les tasses qui vont moins graffiner l'acier inoxydable dedans. Ooh. Des petites brosses spéciales, il y a ça en magasin. Idée. Là où ils vendent des tasses à café, absolument, ils vendent aussi la petite brosse. Ça ressemble à une brosse de toilette, mais miniature. C'est vrai. Bref, ça peut être pratique de garder votre tasse de café dans la salle de pause, si vous en avez une, mais la nettoyer. Mais la nettoyer au bureau fait plus de mal que de bien. OK. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous devriez ramener votre tasse à la maison et la nettoyer correctement avec du savon à vaisselle. Selon Charles Gerba, PhD, professeur de microbiologie environnementale à la University of Arizona, environ 90% des tasses au bureau ont des microbes dangereux et 20% de ceux-là ont aussi des bactéries de coliformes fécaux. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à laver nos tasses dans la salle de bain du bureau. Et ce n'est pas une bonne chose. Tout le monde fait ça. Oui. Les gens se lavent les dents dans les salles de bain du bureau. Ouais. Ouais. Pensez-y. Hein? Donc, ouais, je sais. Genre moi. C'est ça. Pensez. You. Ben, je sais bien. Je viens d'apprendre ça. Ben ouais, mais c'est la chronique sert à ça. C'est hein? Dégueulasse. À te faire peur. Faut que j'aille me laver les dents où sinon? Ben, ouais, c'est une bonne question. Je sais pas. Peut-être avec une bouteille d'eau que peut-être. Tu vas aller cracher dans l'abreuvoir. OK. Pourquoi pas? Je sais pas. J'invente des affaires, j'ai aucune idée. Gerbab nous suggère donc que la méthode de nettoyage est à blâmer. Les gens, comme je disais, vont nettoyer une tasse soit dans la salle de bain, soit avec des éponges communautaires, donc des éponges que tout le monde utilise au bureau, et des brosses qui sont remplies de bactéries parce que personne les lave, personne les fait chauffer pour enlever les microbes ou rien. Ça reste sur le comptoir du bureau. Là, évidemment, on parle des gens qui ont un comptoir au bureau. Félicitations. Donc, le processus de nettoyage dans la cuisine ou la salle de pause empire les choses, et ça aide pas aussi que la cafetière du bureau, quand il y a une cafetière au bureau, c'est un endroit très, très propice pour les microbes. Hein? Donc, si vous voulez vraiment garder votre tasse loin des bactéries, on vous recommande de ramener la tasse à la maison, la laver dans la vaisselle à l'eau chaude le plus souvent possible. Les températures chaudes et le cycle de séchage, oui, sont assez pour tuer les bactéries dans votre tasse. Si vous ne pouvez pas l'amener à la maison, pour une raison qui n'existe pas, mais ça ne vous tente pas, mettons, on va plus dire ça, au moins la laver avec de l'eau très chaude, du savon et sécher avec une serviette de papier. Ah, d'accord. Et pas avec la fan. Ça, c'est une autre affaire, ça. Souvent, on va sécher nos affaires avec la fan. Pas mieux, ça, là. Vraiment pas mieux. Mauvaise idée. Ensuite, tiens, encore une autre affaire qui est passée super date. Oui. C'est passé super date! Fait qu'on le fera pas. On va ensuite parler de la petite discussion qui arrive avant une entrevue pour un emploi, tiens. Oui. Les petites discussions qu'on appelle le small talk, là. Ah, il fait beau aujourd'hui, la météo, blablabla. C'est plus important que vous le croyez. Donc, ces moments inconfortables où vous devez parler de la météo, des nouvelles de Donald Trump, peu importe, avec votre intervieweur avant qu'il commence à poser des questions. C'est pas juste parce qu'ils essaient d'être gentils, en fait. Ils essaient de voir si t'as le don pour placoter et si ça pourrait t'avoir un emploi. Oh. C'est les chercheurs Brian Switter, Brad Harris et Murray Barrick qui ont donc enregistré 163 entrevues d'emploi avec des étudiants d'une école d'affaires pour déterminer comment leurs discussions pré-entrevue affectaient l'entrevue en général. Ce qui nous amène donc à parler du Harvard Business Review qui nous rapporte ces faits-là et qui suggère que la petite discussion, les habiletés pour faire ça, fait une différence remarquable dans le processus d'embauche. La petite discussion vous donne une chance de former une bonne première impression et montre aussi quelques attributs qui ont rapport avec votre emploi. Par exemple, vous avez une chance de prouver que vous êtes une people person, une personne qui est bonne avec les autres gens, une personne sociale. Si vous avez justement listé ça sur votre CV. Exactement. Donc ça pourrait le prouver. Vous pouvez montrer que vous êtes bon pour écouter, que vous avez des habiletés en communication, que vous êtes capable de montrer quelque chose de plus que des réponses préfaites pour une entrevue. On se comprend là-dessus. Selon Swinner, Harris et Barrick, excellente compagnie d'avocats aussi, en tout cas. C'est vrai. Vous devriez donc être à on pendant toutes les interactivités, les interactions que vous avez avec votre employeur potentiel. Ça veut dire être à on, ça veut dire être allumé, être présent. Non seulement la petite discussion, poser des questions aussi dans l'entrevue, on a déjà parlé de ça. Faire une connexion avec la personne et pas juste avoir de la substance, avoir aussi un lien. Un contact, oui, si on veut. Pour pratiquer votre small talk, on le dit de placoter avec les étrangers. Commencer par la base, c'est juste des petites affaires bien simples, et monter graduellement pour devenir un maître de la discussion. Sinon, vous pouvez toujours vous inscrire à un petit groupe de... Tu sais, il y avait ça chez... dans une épicerie locale qui a changé de nom récemment, où on avait des groupes de parleurs. C'est vrai? Ouais. Comment ça s'appelait? Il y a un nom pour ça, c'est... Ah, oh boy, ça me vient pas du tout. Mais c'est un groupe où t'apprends à parler en public. Pour vrai? Ouais, ça a un nom, ça, c'est toi. C'est une épicerie. C'était chez Provigo. Hein? Toastmasters! Maître des rôtis! Toastmasters. Toastmasters. Un excellent nom de grille-pain aussi. C'est à quelle épicerie? C'est chez Provigo. Mais c'était chez Loblas dans le temps. Ouais, je me rappelle. Bref. Pas. Hein, tu connais pas? C'est pas non. Grave. Mais non, tu connais ça, toi, parler en public, t'as pas besoin de cours. Hein? Exact. Ouais. Vous pouvez en lire plus sur ce que je viens de mentionner sur assemblagerequis.com pour les instructions d'assemblage. Une petite pause. Une petite pause parfaite pour se faire un toast. Hein? Ooh, oh, que oui, pour ouais. Le déjeuner. Et au retour, ce sera Alex Marchand et la collègue de la GQTR. Restez avec nous. Assemblage requis, on est jeudi 10 novembre 2016, c'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ok, oui, un autre jeudi matin, c'est la dernière journée de la semaine pour nous, Assemblage requis, mais il y a plein d'autres belles choses en fin de semaine, dont bonjour Monsieur Mozart. Exactement. Qu'on vous conseille d'écouter les samedis matin. Ça. Bonjour Monsieur Mozart. Tu l'aimes bien Monsieur Mozart, Alex Marchand l'aime aussi. Moi j'ai un petit faible pour les personnes âgées. Il est super cute. Exactement. Super cute. Ça va, Alex Marchand? Ah oui, ça va bien, vous autres? Oui, absolument, absolument. Good. Qui est avec nous, Alex Marchand, pour faire la chronique de l'AGE UQTR. AGE UQTR. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGE UQTR parce que l'AGE UQTR, ça n'a pas d'âge. Yo! Hey, Alex Marchand! Hello! Hey, faut dire que je trouve la flûte particulièrement marquante dans le jingle. Je sais, je crois que c'est Jasmine Raymond-Rainville qui faisait ça à l'époque. Ancienne co-animatrice des Palmarès C'est Fou et d'Assemblage requis un certain été à un moment donné. Ooh. Ouais. Bref, on la salue. Hello! Oui. Hey! Jasmine! Salut. Et c'est pas Jasmine Raymond son prénom, hein, c'est Raymond de Rainville, son nom. Je me suis toujours mêlé, je suis sûr que c'était Jasmine Raymond. Avec Caroline. Bref, Alex Marchand, t'as un nom simple à comprendre. Oui. Est-ce que c'est un raccourci pour un Alexandre ou un Alexander ou un Alexandre Simon? Pas du tout, esprit. Tu saurais la quantité d'encre que j'ai économisée à ne pas écrire Andre dans ma vie, tu capoterais, je pourrais me remplir une piscine. Parce que vraiment, ton nom, c'est juste Alex. Oui, oui, oui. Tes parents sont intelligents, honnêtement, ils ont pensé. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a du monde qui veut être poli, fait qu'ils m'appellent Alexandre. Fait qu'il faut toujours que je les reprenne à leur direction. Mais moi, au début, ça n'a pas plus marché. Ouais, moi, au début, je pensais que c'était Alexandre. Ouais, quelque chose de fancy, genre Alexandrien, premier du nom. Ah, ouais, c'est vrai. Il serait temps, il y a beaucoup trop d'Alex, en fait. Faudrait qu'il y ait un petit twist, le fun qui soit fait. J'imagine qu'il y a des parents qui ont commencé à penser à ça en amant leur kid dans les 5 dernières années. Des galadriels, des affaires super. Ouais. Mais changez les noms de vos enfants. T'es président de l'AGE, c'est sûrement une question de royauté là, quelque part là-dedans. Là. Ah, peut-être. Sire Alex Marchand. Ah, oui, peut-être. Écoute, je vais essayer de voir si tu peux de quoi avec Alex le Grand Marchand. La Queen Elizabeth, genre, pour avoir un titre de sœur et puis une terre, peut-être. Exact. Est-ce que t'étudies pour avoir un PhD, quelque chose que tu pourrais avoir un titre comme? Non, pas du tout, en fait. Non, je pense pas aller faire le doctorat non plus. Peut-être une maîtrise, on va y revenir éventuellement. Je peux peut-être être appelé maître Alex Marchand. Ouais, c'est ça. Mais on te connaît même pas. Ouais, on sait même pas en quoi tu es. En administration des affaires, en management. Bon, tu vois, je m'en doutais un petit peu. Bon. Je le pensais moins plate que ça. on a plein de sujets à couvrir pour la GQTR aujourd'hui. On commence, là, on s'est amusé au début de la chronique, mais on va revenir un petit peu sur terre, là, parce que c'est les funérailles de François Fugère qui s'en viennent. Oui, exactement. Ça se passait la semaine dernière, jeudi-vendredi, en fait. Le GQTR y a assisté, a aussi acheté des fleurs. Je pense qu'il y a une douzaine de listes, justement, pour mettre à côté de son cercueil. Donc, on est allé lui rendre une dernière fois hommage. C'était un beau moment quand même. T'sais, on a versé quelques larmes, plusieurs d'entre nous. Puis en tout cas, bref, je pense que ça a fait du bien aussi de se retrouver puis de jaser un peu de François Fugère. Ça a été quand même triste d'apprendre ça comme nouvelle, mais là, le moment est passé. Je pense que ça l'a permis à tout le monde de passer à autre chose, en fait. Là, ouais, de fermer le dossier. De vivre le moment, fermer le dossier, exactement. Donc, ça a été très beau. Hein. Triste. Aussi la cérémonie. Ouais. On reste dans le passé. Tantôt, j'ai dit que ça s'en venait. C'est dans le passé, clairement. Les portes ouvertes de l'UQTR qui étaient samedi dernier. Oui, exactement. Donc, on a fait faire les tours du pavillon de la vie étudiante à plusieurs étudiants. Je pense qu'il y a eu au moins 1000 étudiants au total. Ah ouais. On a fait beaucoup de visites. On a fait visiter, entre autres, la chasse-galerie. On a expliqué qu'est-ce que la GEQTR. On a montré 10-12, la garderie. On a expliqué c'est quoi les associations étudiantes, un peu comment ça fonctionne. Donc, le monde a trouvé ça vraiment intéressant, je crois. On a parlé aussi des opportunités d'emploi aux nouveaux étudiants, par exemple à la garderie, à la chasse-galerie ou encore sur un poste sur le conseil exécutif de la GEQTR. Ouais. Donc, aussi un petit peu de l'assurance collective, évidemment. Donc, on a vraiment fait le tour, puis on a pu expliquer justement qu'est-ce que le GE en 5 minutes. C'était quand même tight, comme je dirais, comme. C'était tight! 5 okay. minutes, ouais. on a essayé de rapper ça assez rapidement, mais on avait beaucoup de trucs à dire. Mais on a quand même eu beaucoup de plaisir à faire ça. Moi, Justin, le bébé finance et développement. Cool. C'est une fois par année les portes ouvertes ou. Deux fois par année. Il y en a une à l'automne, puis une autre à l'hiver. Je sais pas c'est quand exactement à l'hiver, mais c'est dans le problème. Y a-tu eu pas mal de monde? C'était-tu comme. Ouais, mettons, des fois, on a eu un groupe de 50 un moment donné, on a été un peu surpris, fallait qu'on parle plus fort. Écoutez-le! Oh yeah! Des fois, je dirais en moyenne, c'était peut-être des groupes de 25-30 personnes. Ah, okay. Cool. Pas super. C'est fort. Ensuite, le FICOM, on revient là-dessus un petit peu. C'était le 40e FICOM. Oui, exactement, samedi dernier. Donc, après les portes ouvertes, j'ai enfilé ma civique et je suis monté à Montréal. Donc, pour aller visiter la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. Wow! Qui fêtait leur 40e anniversaire. Donc, il y avait à peu près 300 invités, des personnes qui ont fait partie de l'exécutif à ce moment-là. Puis, du monde d'un peu des associations étudiantes universitaires qui sont en poste présentement d'un peu partout au Québec. Donc, il y avait du monde de la CADEL, qui est ceux de l'Université Laval. Il y avait des gens de l'ESG, l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Il y avait des gens... T'es vraiment bon dans les acronymes, je peux te dire. Oh, je sais, mais j'ai plus le choix de les connaître. Il y avait des gens aussi de PGSS, qui est Postgraduate Student de McGill, en fait. Okay. Mm-hmm. Sinon, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'associations? Donc, on a pu faire un peu de PR aussi avec nos confrères des autres associations étudiantes universitaires. Puis sinon, ça a été un moment assez le fun, je dirais. Le repas était bon, le bar était open aussi. Fait que, j'ai été tranquille, par exemple, je prenais ma voiture. Là, donc, j'ai pas trop viré. Mais bref, on est allé aussi. Il y avait aussi des gens des associations nationales. On a des gens de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Il y avait aussi de l'Union étudiante du Québec. Donc, on a aussi discuté de certains dossiers. On en a profité pour faire du PR, puis un peu parler de nos dossiers. T'sais, entre autres, présentement, il y a le Conseil des universités du Québec, que la ministre est en train de tenter un peu le pouls. Puis il y a le rapport, à partir du rapport Corbeau, en fait. Puis il y a beaucoup d'associations étudiantes nationales. Ouais. Corbeau, je sais pas comment imiter un corbeau. Puis bref, c'est ça. Il y a beaucoup d'associations étudiantes qui pondent des mémoires puis qui les envoient justement pour la consultation. On a discuté de ce sujet-là, entre autres. Puis aussi des violences sexuelles sur les campus. C'est quelque chose qui nous touche tous. Puis c'est dans le moment, pardon. Tombé dans les médias, exactement. Donc on a discuté, on a échangé des idées aussi à ce sujet-là. Puis ça fut bien intéressant. Génial, rempli de consentement, tout ça. Vous êtes rapprochés un peu comme dans Ficum Together. Right, come together. Je pense qu'il a joué d'ailleurs durant la soirée. T'es-tu sérieux? Ah oh, ouais, mais ils ont parlé par-dessus, genre fait come together. Bref, ça c'était le FECUM 40e, tu prononces ça FECUM, hein? Pas FECUM, FECUM? FECUM, je trouve tellement que ça, excusez-moi, là, je trouve tellement que ça a l'air d'une maladie transmissible sexuelle. Ben oui, j'ai le FECUM! J'ai le FECUM! J'ai le FECUM! Il y a plusieurs personnes dans le passé qui te donneraient raison d'ailleurs. Hey boy! Là, c'est popé, la FECUM, ils se sont calmés, mais dans le passé, ça a été une association. C'était plus viral! Oh, c'était viral, puis c'était très politically incorrect par bout, je dirais. Là. Mais maintenant, c'est devenu, je pense qu'on a des bons rapports, puis ils sont quand même. Ils sont descendus d'un peu de leur petit nuage, puis ils sont parlables à Star. Donc, c'était pas tout le monde qui était là-bas, par exemple, lors du 40e qui était parlable. Il y a des anciens qui avaient encore des relations assez tendues dans leur souvenir avec des assos, entre autres, comme le GQTR. On n'a pas toujours été en bon rapport avec la FECUM, mais présentement, on l'est. Donc, On a juste parlé avec le monde avec qui on s'entendait bien. Ah, c'est bien. Ouais. Bonne idée. C'est comme une ITS. Ouais. À on prend plaisir. Exactement. Ensuite, le 5 à 7 du premier cycle. Oui, hier, se tenait le 5 à 7 du premier cycle de l'AGL Cuillère à la Chaise Galerie. Donc, on a eu un taux de participation incroyable. Honnêtement, là, on n'avait pas assez de pizza puis pas assez de bière de cédulé parce qu'on pensait pas qu'il y aurait tant de monde que ça. Je pense qu'il y a eu à peu près 150 personnes. Donc, ça a été un 5 à 6 à la place d'un 5 à 7 parce que à 5, à 6 heures, c'était plus rien. Non, vraiment, ça a été super le fun. Je pense que le monde a bien apprécié. Puis, ben, en fait, on a eu beaucoup de plaisir à distribuer de la pizza. Puis, on a pu se garder juste une pointe chaque. Oh. Puis, une bière chaque. Une pointe pour tout le monde de la GF. Ah, on s'est les partagés. Vous chaque gang. Fait qu'on a fini 5 à 7. Puis après, on est allé souper, tu sais. Ouais. Mais bref, c'était bien agréable. Je pense que les gens ont bien apprécié. Ouais. Cool. Ensuite, le cœur des administrateurs. Oui, ça c'est en fin de semaine, en fait, les administrateurs de l'AGEQTR. Donc, on est en tout 9 personnes du conseil exécutif, puis 32 personnes des associations étudiantes qui sont sur le CA, donc qui administrent les affaires de l'AGEQTR. Puis, en fait, là, présentement, il n'y aura pas tout le monde qui va pouvoir être là parce que, tu sais, c'est une fin de semaine complète. Mmh. Donc, des fois, les gens ont des gens d'engagement, ils travaillent. Mais on devrait être, je dirais, une bonne vingtaine, trentaine qui vont être dans un camp, c'est en fin de semaine, pour des formations, en fait, puis discuter un peu des affaires de l'AGE pour qu'il y ait une meilleure compréhension des nouveaux administrateurs, puis des anciens aussi, de c'est quoi les dossiers présentement, c'est quoi être un bon administrateur, comment, c'est quoi les responsabilités d'un administrateur aussi. Donc, tout ça va être découvert, puis en fait, on va être capable de mieux représenter les étudiants de l'UQ. Une fois que cette semaine-là va être terminée, puis on va mieux administrer les affaires de l'AGE, en fait. Là, vous allez commander de la pizza comme faut. Oh oui, ça, c'est certain. On a des repas pour toute la fin de semaine. Aussi. Des petites guimauves, non? Est-ce que quelqu'un fournit. Est-ce que tout le monde, comme un potluck, doit amener genre ses guimauves, ses saucisses, ses bâtons? Je pense. On va vérifier. Mais ça, peut-être. On va peut-être regarder pour faire un feu. Je sais pas exactement. J'ai pas vu le site encore parce que c'est pas mon dossier. Ah. Mais j'imagine qu'il y a moyen de faire un feu. On va vraiment amener des saucisses et des guimauves. Oh, ouais, on va se faire un beau petit feu de calme. Et ensuite, pour terminer, en fait, dans vos petits jeux, le fun, hein, on en parlait en début d'émission tantôt, vous avez fait Génie en herbe, je crois qu'il y a Atome Crochu qui s'en vient bientôt, qui vient de passer, ou en tout cas, c'est dans le moment, dans le presque présent. Mm-hmm. Et là, il y a Trivia Crack. Oui, exactement, une activité de la Coupe des associations. Donc, c'est la vice-présidence aux affaires socioculturelles, Solana Nange, comme tu dis bien. Solana Nange! Elle aime les ananas. En partenariat avec Michael Saint-Pierre, qui est le vice-président aux affaires associatives. Donc, ça va être un jeu de Trivia Crack, mais en réel, qui va pouvoir donner des points pour la Coupe des associations étudiantes. Coupe qui peut rapporter 3 bourses, tiens à le rappeler. Oui, je lève la main parce que j'ai une grande question. Oui. Mettons là qu'on est employé à l'UQTR, on peut-tu participer pareil? Mettons qu'on est vraiment hot à ouais, Trivia Crack. Ouais, c'est ça. Mettons là, on joue à ça, là, on gagne tout le temps. On peut-tu comme s'associer avec, je sais pas moi, une asso? Ben, honnêtement, je penserais pas qu'il y ait de problème si vous voulez venir. Yes! C'est juste que vous pourrez pas faire partie du classement de la Coupe des assos. Okay. Mais je pense qu'il disait qu'il y avait vraiment une tonne de questions, donc si jamais vous voulez participer, je pense que vous serez les bienvenus. Mathieu Moscou, il va, puis on se représente, c'est fou. Ah, mais moi, je suis pas mal. Moi, je suis via Crack, moyen, je suis pas mal meilleur à Trivago, un hôtel. Qu'est-ce que c'est Trivago? On sait tout sur les hôtels. T'as pas pensé à faire un jeu sur Trivago? On va faire un voyage. C'est pas toutes les pubs qu'ils ont faites, là, t'es comme dans quel hôtel est-ce que la petite fille a vu de la magie pour la première fois? Wow. Mais bref, ça va se dérouler mardi prochain. En fait, l'heure, je ne la sais pas exactement. Vous pouvez aller voir au bureau de nos deux joyeux lurons qui sont Solana Nange et Michael. Donc, ils vont pouvoir vous donner tous les détails. Ou sinon, sur la page Coupe des Assos sur Facebook aussi, tous les détails vont y être. Tous les événements de la Coupe des Assos. Faites-vous du fun, ça va être drôle. Ouais. Tantôt, j'ai aussi parlé de la tombe crochue. La date, c'est le 8 décembre prochain. Oui. À la Chasse-Galerie. Pour ceux qui veulent absolument jouer à tombe crochue, maintenant que c'est plus à TV. Oui, c'est ça, tu sais. C'est la seule place où vous pouvez regarder la tombe crochue. C'est vrai. À la Chasse-Galerie. C'est triste quand même. C'était maintenant, c'est Tammy Verge, j'étais vraiment drôle dans ton podcast. Oui, Tammy Verge, j'étais vraiment drôle. Sauf qu'elle anime à la radio, elle parle mal en maudit. Qui ça? Tammy Verge. Ah. J'ai vu dans un extrait récemment, elle met des féminins ou masculins, ça part. Oh putain. C'est-tu l'extrait que j'ai posté hier? C'est l'extrait de. Elle parle pendant 30 secondes, puis elle fait comme 3 ou 4 féminins au lieu du masculin, puis ça me gosse tellement. Je suis vraiment, tu sais, moi, les masculins féminins, je trouve ça important. Ah, c'est vrai. C'est vrai. L'importance capitale. Puis il y avait une dernière chose aussi, c'était ta recette préférée qui était le faire. Les associations doivent amener une recette puis la faire goûter en montrant dans le fond c'est quoi les ingrédients qu'ils ont mis, comment ils ont fait. Puis ça, ça termine le 17 pour les associations qui nous écouteraient en ce moment. C'est juste pour vous dire que ça finit le 17, donc vous avez jusqu'à ce moment-là pour aller chercher les points pour la Coupe des Assos. Ok, vous amenez ça à vos bureaux? Non, mais ben, c'est au bureau en fait de Solana Nange puis d'Enkel. Je trouve ça tellement drôle. Ok, c'est eux les deux goûteurs. Oui, exactement. Okay. C'est un peu leur privilège d'officier. Là. On est tous un peu jaloux de voir se faire apporter de la bouffe gratuite. C'est ça. Laissons pour les autres. Oui, on va te garder le plat. Merci, bye. Passant, je me fais des toasts au beurre de peanuts puis je suis jaloux. avec Toastmaster. Est-ce que vous avez reçu des choses On a parlé de Toastmaster tantôt. Ceux qui font des discours, là. Exactement. Je sais que c'est pour des pas toasts. Pas des routis, là. Pas le maître des routis. Mais c'est bien plus drôle de dire que c'est le maître des routis. Je sais. Mais je me demande sérieusement s'il y a un gris pain Toastmaster, je vais aller vérifier. Peut-être tout de suite. Par genre Bréville ou je sais pas trop, quelque chose de vraiment intense. Cuisinard. Intense, là. Est-ce que vous avez reçu des recettes assez hors de l'ordinaire jusqu'à présent? Pas encore, en fait. Ils ont juste donné un paramètre. C'est des recettes qui doivent être asiatiques. OK. Ouais. Fait que du pad thai. Ouais, pas de pâté flâché. Pas de plat. Non, malheureusement. Pourtant, c'est tellement bon. C'est bien. Ça, d'ailleurs, je vais vous conter une petite histoire. Ah, cool. Par rapport au porc flâché. C'est qu'on a notre conseiller exécutif, en fait, est maghrébin. Donc, tu sais, lui, pour lui, le porc, c'est pas du tout. Puis, un moment donné, ben, moi, je me trouvais bien drôle. Et je disais, hey Fred, on va-tu dîner, tu sais. Fait que là, bon, ça va se chercher. Mettons, moi, je voulais de la poutine. Lui, il voulait du AW. Fait qu'on commence par à la poutine. Je me commande une poutine au porc effiloché. Ben je ferme les fenêtres, puis je les barre dans l'auto en revenant. Il a pas passé un super bon moment, mais moi, oui. Mais bref, on l'aime d'être Fred. Fait c'est que, cute. C'est affectueux. Oui. Lui, il est maghrébin, toi, t'es un maghrébin. Ça, c'est pas correct. Ouais. Cool. Donc, par effiloché, moi, c'est mes préfs, mais là, asiatique, c'est super bon aussi. Fait que le concours a lieu jusqu'à quand, tu me disais? Le 17, ça tombe, je vais vous dire ça tout de suite. Jeudi, la semaine prochaine. Génial. Donc, jusqu'à jeudi, la semaine prochaine. Et ça, c'est pour faire les points à la Coupe des Assos, là. Oui, exactement. Coupe des Assos qui peuvent rapporter les trois premières places rapportent des bourses. La première est de 500$. Les deux autres, je me rappelle plus exactement du montant, mais je vais vous revenir là-dessus la semaine prochaine. Écoutez bien la chronique. Fantastique. autre chose, non, c'est tout? Ouais, ben non, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait pas. Ben, il y a quand même pas mal de trucs, mais en même temps, c'était rapide. Ouais, donc, absolument. AGQTR.org pour le calendrier, toutes les informations, le petit blog plein d'articles, le fun. Et aussi, aller sur la page Facebook, évidemment. Ben oui. Ben oui, parce que les gens, aller sur Internet, taper des adresses, ça va être trop compliqué. Hein? Ah, c'est vrai, la barre recherchée de Facebook est beaucoup plus simple. C'est ça. Mais non, mais on fait plus ça. On est contraint des personnes âgées. T'sais, les personnes âgées vont taper genre. Ils vont taper genre google.com pour aller taper hotmail.com ou genre msn.com. Ils vont aller sur MSN, ils vont cliquer sur Hotmail, puis ils vont ouvrir leur courriel. Il y a comme 6 étapes avant de se rendre dans leur email. C'est épouvantable. Nous autres, c'est comme on fait rien de ça. Non, ça pop du téléphone. C'est incroyable. Sauf la technologie, qu'est-ce que ça fait? Hein? C'est Google, c'est la faute de Google. Ça a trop simplifié les choses. Oui, effectivement. Ouais. T'es fin, Alex Marchand. Ben, vous autres, si vous êtes fin, je vous aime. Oh, merci, nous aussi, on t'aime. On te regarde à la 8, les lundis soirs à 20h à la Chasse-Galerie. Ah, oh, aussi, ben oui. Quand tu joues. Ça, je crois que tu joues cette semaine. Je joue la semaine prochaine. Je pas joué cette semaine, mais la semaine prochaine. Ouais, cette semaine, je voulais dire le plus prochain. By the way, ça fait depuis le début de la saison qu'on n'a pas encore vu Marc-André Fortin jouer dans notre équipe. C'est vrai. Ça fait à peu près 2 ou 3 games, si je me rappelle pas. Si on compte le showcase, ça fait 3 games. Puis là, on va enfin l'avoir lundi. Donc, Marc-Antoine, qui est Marc-André, qui est d'ailleurs un excellent joueur d'impro, j'ai hâte d'essayer de jouer avec lui. Il a joué beaucoup à la lutte cette année dans les matchs spéciaux. En fait, je pense qu'il a joué à presque tous les matchs spéciaux, donc on l'a vu jouer, mais les matchs réguliers, ceux qui comptent pour des points pour son équipe, parce qu'il punch fort. Oui. L'équipe a besoin de ses points. C'est un gros morceau dans l'équipe, je dirais. Ses points ou ses mains, dépendant du bord. C'est vrai. Pas du bord de la bande. Pas de la bande. Pas de l'arbitre aussi, des frictions de bord. Ah oui, effectivement, ça c'est sûr. C'était drôle, il y avait un lip-sync battle après le match lundi. Puis genre, tu sais, c'était un lip-sync battle, c'est genre, il lip-sync une chanson, puis le public décide s'il continue ou il arrête. Mm-hmm. Fait que genre, continuer c'était la main, arrêter c'était le point. Puis l'impro d'après c'était continuer c'est le point, puis arrêter c'est la main. C'est super mêlant. Ah, que le public devait être c'était mélangé. Là. C'était ridicule. Mais c'était drôle, c'était fun, là, lip-sync battle. Oui, évidemment, c'était clair. Bref, on a assez parlé d'impro, on a assez parlé de la GE. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci à vous encore de m'avoir reçu. À la semaine prochaine, toujours les jeudis à 8h. Oui. Maintenant, je vois que David Ferron est arrivé avec sa lignée de boissons gazeuses pour la prochaine chronique d'une grosse pointe d'adresse. Mais il nous reste encore Tania Sgolin Tutenia à faire. On a les deux à faire d'ici la fin de l'émission. Je pense qu'on va y aller avec Tania Sgolin Tutenia juste après la pause. Puis après ça, on veut finir avec la bouffe. Oui. C'est finir l'émission, l'important qui est. Ouais. tout le temps. Mais Alex, est-ce que tu restes avec nous jusqu'à temps qu'on fasse la grosse pointe en l'adresse? Ben écoute, je pourrais revenir peut-être. Je peux pas vous le garantir. Okay. Là. Parfait. Mais de toute façon, écoute, c'est fou dans ton bureau. C'est tellement divertissant. Bien au courant. Donc, Tania, je connais Tania au retour. Puis après ça, une grosse pointe en l'adresse. On est à Assemblage Rocky. On écoute, pour se quitter, étant donné que tu as parlé de ta recette préférée, on écoute le groupe que j'écoute tout le temps dans mon iPhone quand je retourne chez nous. C'est Tokyo Police Club. Je les adore. Voici leur chanson Favorite Food à Assemblage Rocky. Quel beau hasard. N'est-ce pas? Ooh, oh. Tokyo Police Club et la pièce Favorite Food sur l'album Champ. C'est une des pièces les plus calmes, elle devient bonne vers la fin, là, mais le reste de l'album était calme. Tokyo Police Club. Au retour de la pause, non seulement Tania et Gala Entertainia, l'info campus va être là, puis après ça, une grosse pointe d'adresse. Le plan du reste de l'émission, là, je capote. Assemblage requis. Pour toi. aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est fou! Assemblage Requiem, ce jeudi 10 novembre 2016, c'est Tania Bolin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, Tania va nous parler de quelque chose, et de plusieurs choses en fait. Quand oui. Je dis quelque chose, avec des S à la fin. Hein. De plusieurs choses, que ce soit international, national, ou régional. Ou local. Ou local. Ou même dans le studio ici. Ouais, genre. Genre, ça pourrait arriver un jour peut-être. Exact. Donc Tania Esgonette-Tania s'en vient avec son sous-segment des choses qui ont attiré Tania Tension. Mon attention. Mais avant ça, on se renseigne sur le campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Les étudiants du département des arts de l'UQTR tiennent une expo-vente jusqu'au 11 novembre. Les toiles sont disponibles au hall Gilles Boulet. N'hésitez pas à aller encourager nos talentueux étudiants. Le deuxième Startup Weekend Shawinigan se tiendra les 18, 19 et 20 novembre prochains. L'événement aura lieu au DJ Hub de Shawinigan et c'est l'occasion idéale de développer votre âme d'entrepreneur. Des mentors seront sur place pour guider les participants et pour s'inscrire, il faut aller sur Eventbrite et chercher Startup Weekend Shawinigan 18, 19 et 20 novembre 2016. Tu étudies à l'UQTR? Tu désires t'impliquer? Le poste à la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle de l'AGE-UQTR est pour toi. Pour postuler, il faut remettre une lettre de présentation, un curriculum vitae et le formulaire disponible sur place. La date limite pour soumettre la candidature est le vendredi 18 novembre à 17h. L'élection du poste se fera le dimanche 20 novembre lors du CA de la GE-UQTR. Pour se procurer le formulaire et remettre les documents, il faut aller au local 1022 ou 1023 du pavillon de la vie étudiante. Tous les mercredis entre 11h30 et 13h30, une soupe partage est offerte gratuitement pour les étudiants de l'UQTR. Le prix est de 2$ pour les membres du personnel et l'événement a lieu au local 029 du pavillon Suzard-Côté. Tous les profits seront distribués à la communauté. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est écrit par David Perron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lui par Tania Bonin. Exactement. Ici présente. Comme ça que ça se passe. Comme David dirait, monté par Mathieu Plante. Oui. Et on c'est un teamwork. Teamwork. On aime ça, des travaux d'équipe, comme ça. Tout à fait. Quand c'est simple. Mm-hmm. Pas trop se casser la tête non plus. Non. Hein, David? On joue l'Info Campus deux fois dans l'assemblage requis du lundi au jeudi, ensuite une fois à midi et une fois à 18h en semaine. Ça joue aussi le vendredi un petit peu à des heures différentes, mais quand même, au moins on joue le vendredi deux fois. Mm-hmm. Vers les midi 1h et vers les 17h15-20. Ouais. Peu importe, les heures du vendredi sont approximatives et il y a une nouvelle capsule tous les lundis. Bon. Maintenant... C'est le moment de passer à Tania Bolin. Oh! Tania Bolin qui a toujours quelque chose sous sa manche, comme moi j'essaie de me remonter les manches. Elle, elle les laisse bien, bien pendues sous son bras. Ouais. C'est beau de même. Fait frette. T'aimes ça quand ça frotte, toi? Là, je dis fait frette. OK. Je dis ça frotte. Non, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ah non! Voici Tania is gonna entertain. Yeah! C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Oh yeah. Tania Baudin et aujourd'hui c'est la sous-chronique des choses qui ont attiré Tania attention. Oui. Hein? Donc on parle de nouvelles. Exactement, on parle de nouvelles, que ce soit comme je le disais tout à l'heure, international, national, local, régional. Peu importe, de l'espace. De l'espace, peu importe où c'est. Je tente de vous amener des nouvelles qui ont peut-être pas nécessairement fait la une des journaux durant la semaine. Ouais, qui ça passe sous le radar. Exactement, surtout avec les élections présidentielles américaines. Je sais pas de quoi tu parles. Et surtout avec Trump un petit peu partout. Et maintenant, les nouvelles photos de sa femme à moitié nue partout sur Facebook. Ben oui. C'est sûr. Un va pas sans l'autre. Sa femme du moment. Oui, exactement. Oublié, tu sais, parce qu'avec Trump, on peut avoir plusieurs first lady. Ouais, c'est quand même sa troisième. C'est vrai. Hein. On sait pas. Puis si on l'écoutait, ben on aurait peut-être même pu avoir sa fille. Oui, parce qu'on sait que si c'était pas sa fille, Oh yeah! Notre président des États-Unis. Exactement. On va commencer tout ça avec la Coupe du monde de soccer en 2022. Pourquoi est-ce que je veux vous parler de ça? Parce qu'en fait, c'est le site web l'équipe.fr qui est spécialisé dans le monde du soccer, du football, comme on dit en Europe, et qui ont posté récemment comme... hier, un article qui disait qu'il n'y aurait pas d'alcool pour les supporters lors de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. On sait, la Coupe du Monde, ça amène vraiment beaucoup de gens qui sont de fiers supporters et qui, en temps normal, consomment vraiment beaucoup d'alcool dans ce genre de Coupe du Monde-là. Ça met de l'ambiance, là. Exactement. C'est des stades de sport, des stades de soccer, de football. Alors, automatiquement, la bière est consommée de façon... festif, à flot, ben disons-le. Ouais. À flot. Et les organisateurs de la Coupe du monde de 2022, qui va se dérouler au Qatar, misent sur la sobriété. Alors, du côté des supporters qui feront le déplacement, on va vraiment espérer qu'il n'y aura pas de consommation d'alcool dans les rues, dans les parcs et les espaces publics. C'est définitif. Par contre... ils sont contre la vente d'alcool dans les stades et les alentours. Donc, on dit pas non seulement on va pas vendre d'alcool dans les rues, dans les parcs, vous pouvez pas sortir du stade avec votre bière pour vous en aller, mettons. Il y en aura même pas dans le stade et aux alentours. Ça va être vraiment difficile de regarder un match de sport complet avec ça. C'est ce qu'a déclaré Hassan Al-Tawadi, le directeur général du comité d'organisation, dans un entretien avec un journal là-bas. Et c'est un positionnement, en fait, qui risque de créer vraiment des débats un petit peu partout à travers le monde, mais aussi, surtout du côté de la Fédération internationale de soccer, c'est-à-dire la FIFA, dont un des principaux sponsors est un brasseur américain, c'est-à-dire Budweiser. Et pendant le Mondial 2014, une loi brésilienne interdisait la vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives et ça avait été suspendu le temps de la compétition. À cause de Budweiser. Exactement, justement à cause de Budweiser. Alors, est-ce que de ce côté-là, le Qatar va réussir à mettre en place cette fameuse règle-là pour la Coupe du monde de 2022 ou si on va vraiment y aller de façon drastique à dire « on veut pas d'alcool ». Tu sais, si on dit « on veut pas d'alcool », ça fait aussi moins de retombées économiques. Ben oui. Et pour vrai, je suis sûr que s'ils mettaient de la bière sans alcool, premièrement, les femmes enceintes pourraient en boire. L'effet placebo ferait que les gens se sentiraient aussi... probablement. Et de toute façon, l'adrénaline d'un match de soccer, et quand t'es partisan de quelque chose comme ça, t'as pas nécessairement besoin d'alcool pour pouvoir te mettre dedans. Mais c'est pas boire de l'eau non plus. Exactement. Mais tu sais, on le sait, ça va peut-être rendre les gens un petit peu moins festifs. Ouais. Les Irlandais vont peut-être moins se pointer. Peut-être moins de bataille. On essaye peut-être justement d'y aller de façon plus sécuritaire de ce côté-là. Est-ce que tu penses que genre Coca-Cola va s'amener comme commanditaire principal à la place, puis ça va être la grosse liqueur brune? Je ne pourrais te dire, Mathieu. Ça serait drôle. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Tu sais, quand t'as la mousse dans le nez. Je pense que Coca-Cola est déjà partenaire de la Coupe du monde de soccer. Alors, est-ce qu'on pourrait y aller justement à couper les ponts avec Budweiser pour la Coupe du monde en 2022? C'est vraiment un débat qu'on va devoir suivre parce que les retombées économiques pourraient être quand même assez grandes de ce côté-là. Ouais. J'ai hâte de voir, et surtout pour les partisans, ça pourrait devenir peut-être un petit peu plus plate. Ouais. Mais juste pour cette Coupe du monde-là. Oui, exact. Le reste du temps, les autres années, ça fonctionne bien. Ouais, exactement. Du côté encore international, on parle du Mexique cette fois, mais on parlera pas de soccer. On va plutôt parler de la légalisation du mariage homosexuel. Ah oui. On le sait, ça a été accepté aux États-Unis maintenant. Dans certains États, ça a été accepté ici aussi. C'est accepté partout maintenant. Oui, c'est accepté partout maintenant, exactement. Donc, la proposition du président mexicain Enrique Peña Nieto était de légaliser le mariage homosexuel à l'échelle du pays. Ça a été rejeté hier, donc mercredi, par un comité de la Chambre basse du Mexique. Et la Commission des questions constitutionnelles a tranché à 19 contre 8. Donc, c'est contre une réforme de la Constitution pour y ajouter le droit au mariage entre conjoints du même sexe. Et selon un compte-rendu de la Chambre des députés, le président de la Commission, Edgar Castillo Martinez, affirme que la décision fait en sorte que le dossier est totalement et définitivement clos. On n'ouvre plus jamais ça du côté du Mexique. Alors, l'an dernier, la Cour suprême du Mexique avait statué qu'il était anticonstitutionnel d'interdire les unions civiles homosexuelles. Ouais. Et le jugement a toutefois pas entraîné une révision des lois pour ça. Et le mariage gay n'est donc pas autorisé dans certains... En fait, il est autorisé dans certaines régions du pays, mais pas à la grandeur du pays. Okay. Alors, le président Peña Nieto avait soumis cette proposition-là en mai dernier et ça a provoqué des manifestations à la fois en faveur, mais aussi beaucoup trop de manifestations en défaveur du mariage homosexuel un petit peu partout au Mexique. Je pense que rendu en 2016, c'est un petit peu plate d'avoir une nouvelle comme ça. Mais tu sais, les régions du monde sont toutes tellement différentes les unes des autres. C'est dommage, là, mais c'est Écoute, leur choix. Ils vont s'en aller aux États-Unis. Ben, c'est ça. Si M. Trump veut bien les laisser. On va voir. Il a enlevé ben des affaires de son site web depuis qu'il est rendu président. Je sais pas si t'as remarqué. Non, j'ai pas remarqué. Ouais. Je sais que ce matin, il se rend du côté de la Maison Blanche pour rencontrer Barack Obama. J'imagine qu'il va avoir beaucoup de pages Facebook en direct pour justement qu'on voit si ça va se pogner. Je crois qu'il a retiré le truc de renvoyer les 11 millions d'immigrants. Je crois que c'est ça qu'il a enlevé de son site web. Ben, j'espère bien. Ouais. Je pense qu'il va se tempérer, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix, c'est sûr et certain. De toute façon, hier soir, il y avait beaucoup de manifestations dans les rues un petit peu partout aux États-Unis, justement, qui disaient... Paisible, quand même. Fuck Trump. de ce côté-là, je pense qu'il n'y a comme pas le choix là, de ralentir. Mais on est en train de revenir à Trump, là, puis c'est non, c'est ça, il faut pas. C'est hier. Nouvelle, Twitter. oui, on en a parlé quelques fois depuis les dernières semaines, Mathieu, si tu te souviens bien. Oui, sur son lit de mort. Là. On est en train de dire que Twitter est pas mal sur son lit de mort, en effet, et on ajoute à ça encore au lit de mort de Twitter le départ du directeur d'exploitation, Adam Bain. Alors, le réseau social américain qui est vraiment en difficulté, là, faut le dire, Twitter a annoncé hier le départ d'un de ses dirigeants clés, c'est-à-dire le directeur d'exploitation Adam Bain, qui est le bras droit du patron fondateur Jack Dorsey. Ouais. Tu sais, quand tu creuses, ça tombe. Tu sais, genre, après avoir envoyé plein d'employés l'autre fois, je sais qu'on essaie de centraliser, peut-être focusser pour moins savoir de dépenses. Je sais. Pour mieux fonctionner, mais... Mais non, mais attends, là. Adam Bain a informé l'entreprise cette semaine de sa décision de démissionner du poste de directeur et d'explorer des opportunités en dehors de l'entreprise. Ouais, hein. Alors, on parle pas nécessairement de se retirer et de continuer à travailler avec Twitter on the side. Non, non, on veut voir autre chose. Ouais. On s'en va complètement. C'est pas toi, c'est moi. Exactement. J'ai besoin de voir d'autres gens. C'est ça. Brisure de couple. Il va être remplacé par le directeur financier qui est Anthony Noto, un ancien de Goldman Sachs qui avait été recruté par Twitter en 2014 seulement, donc ça fait pas extrêmement longtemps qu'il est là. Et Anthony Noto va conserver pour l'instant en parallèle les fonctions de directeur financier en attendant la désignation d'un successeur pour lequel Twitter dit avoir amorcé déjà une procédure de recherche. Donc, on est à la recherche d'un nouveau directeur d'exploitation. Mais quand même, on vient de perdre un pion assez important du côté Twitter. Ça va vraiment pas bien. C'est un nouveau départ qui confirme l'hémorragie, qu'il faut dire, parmi l'équipe dirigeante à laquelle Twitter est confrontée depuis plusieurs mois maintenant. On le sait, ça fait vraiment... Nous, ça fait quelques semaines qu'on en parle justement à cause de cette chronique-là, mais ça fait vraiment des mois que Twitter est en train de battre de l'aile. Ah, drôle! Rappelez-vous de ma joke! Alors, qui peine toujours 10 ans après sa création à étendre son audience et aussi à trouver un modèle économique. C'est surtout ça le problème présentement avec Twitter. C'est beau de dire « Oh, c'est bon, je vais aller m'inscrire à Twitter, ça va rester là. » Ben oui, mais non, c'est le modèle économique, à savoir comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec Twitter, qui est beaucoup plus difficile présentement que, par exemple, le modèle économique de Facebook. Ouais. Tu vois, moi, Twitter, je trouve ça cool en tant que tel de pouvoir voir les choses en temps réel, de pouvoir avoir des conversations, mais depuis quelques temps, c'est rendu, bon, tes nouvelles sont dans le désordre complet, t'as des publicités qui jouent tout seul. C'est fatigant, leur modèle économique m'énerve beaucoup. C'est Twitter. Très difficile, Et je me demande si on va s'en ennuyer quand il va disparaître. C'est un peu comme MySpace, ça finit par partir, on s'en est même pas rendu compte comment c'est parti. Exact. Tout le monde était sur MySpace pendant un beau bout de temps, voilà quoi, plusieurs années. Là. Mais un petit peu moins que ça quand même. Okay. Mais tout le monde était dessus, tout le monde avait un MySpace. Ouais. Du jour au lendemain, c'est comme il n'y avait plus personne dessus. C'est ça. OK, ça va être la même affaire. Facebook est arrivé entre-temps. Oui, exactement. Exactement. Exact. Puis si tu te souviens bien, Mathieu, bien, il y avait des rumeurs d'un possible rachat par rapport à ouais. Twitter qui avait repris vraiment du feu de paille là, depuis les dernières semaines. Mais tous les prétendants cités, comme par exemple Google, Disney, Salesforce, ont jeté l'éponge. On a tous dit non à racheter Twitter pour le moment. Et pour tenter de dégager des bénéfices en 2017, bien, Twitter avait annoncé à la fin octobre la suppression de 9% de ses effectifs, c'est-à-dire 350 postes, et la fermeture dans les prochains mois de l'application de partage de courtes vidéos Vine, qui avait été rachetée par le Mind Group en 2012. Alors, je pense que ça va continuer à battre de l'aile ouais. pendant quelques temps. Hein. Ils ont encore Periscope, et je me demande si ça fonctionne tant que ça, Periscope. Je sais pas, que Facebook Live a été lancé, tout le monde est sur Facebook Live, j'entends vraiment beaucoup moins parler de Periscope. Meerkat, qui avait le même principe, a fermé les vidéos en direct, Meerkat, donc le Periscope qui bat encore une fois de l'aile contre Facebook Live. Je pense que versus Facebook, là, le gagnant est pas mal Facebook. C'est vrai. Ouais. Mathieu Massi. Ah, attends. J'avais inventé une chanson thème pour deux des personnes que tu as mentionnées dans ton article. Oui. T'avais Monsieur Bane. Oui. You're so Bane, comme dans la chanson You're so Bane. Là, c'était Monsieur Noto. Oui. Thank you very much, oh, Mr. Noto. C'est la chanson thème. Parfait. Tu peux y aller. La seule nouvelle qui va avoir un lien avec les élections de cette semaine. Bon. Je sais pas si tu te souviens, on en a discuté hier matin. Le site Internet d'Immigration Canada oui. a crashé. Tellement. On est en train de nous dire que les Américains veulent s'en venir au Canada, mais on n'aurait peut-être pas vu la chose comme elle était vraiment. Sûrement pas. Hein? En fait, c'est devenu un buzz viral, mais les Américains ne rêvent pas nécessairement de venir ici au Canada. Il faut comprendre que l'élection de Donald Trump a vraiment fait déferler depuis hier sur Internet une espèce de vague virale qui dit que plusieurs millions d'Américains cherchent à émigrer ici au Canada. La preuve, justement, les recherches Google sur le thème ont tellement bondi que le site d'Immigration Canada a crashé au courant de la nuit et hier matin, mais peut-être pour des raisons qu'on ne penserait pas nécessairement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au cours de la nuit et mercredi matin, le site d'Immigration Canada a connu une panne. Fait. Ça, c'est vrai. C'est un fait, OK? En matinée, les tweets contenant Immigration Canada étaient au deuxième rang dans les tendances les plus populaires sur Twitter. Fait. C'est un fait. Ça, c'est dans la région montréalaise, juste derrière le mot-clic hashtag President Trump. Ouais. OK? Il y a des médias de partout dans le monde qui ont d'ailleurs relayé cette espèce de gazouillis du maire Coderre destiné aux Américains qui disait, veuillez prendre note, notre bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal sera ouvert exceptionnellement après le vote américain. Donc ça a été retweeté à plusieurs millions de fois partout dans le monde. Sur Google Trends, un outil de Google qui permet de connaître les grandes tendances de recherche, là, pratiquement en temps réel, on a appris qu'en matinée, l'expression « Canadian Immigration Website Crash », c'est-à-dire « panne du site d'Immigration Canada », était parmi les plus en vogue sur Google depuis minuit la veille. Mais en fouillant un peu plus sur le site Internet, on a découvert que les recherches pour cette expression-là ne provenaient en fait surtout de Singapour, de l'Australie et du Canada. Okay. Donc, les Américains, eux, arrivaient au huitième rang des pays qui se sont intéressés à la panne du site Internet d'Immigration Canada. Et les données de Google Trends laissent par ailleurs croire que plusieurs Canadiens se sont levés, en fait, en se demandant est-ce que les Américains cherchaient à justement s'en venir ici. Ouais. Donc, c'est à cause de nous que le site d'Immigration Canada a crashé. Toujours à cause de nous. Bande de gnochons. Non, mais pour vrai, tu sais, le web canadien est une place particulière, je trouve. Tu sais, les sites de Service Canada, les trucs du gouvernement, là, je sais pas si c'est encore comme ça, là, j'ai pas regardé, mais il y a quelques années, le site fermait la nuit. Oui. Tu sais, tu pouvais juste aller faire des affaires dans ce site-là entre 9h puis 17h ou 9h puis 20h, ou tu sais, peu importe les heures. Tu sais, je trouve ça bizarre. Puis le site de Poste Canada, j'ai souvent l'utilisé parce que je me rappelle jamais de mon adresse avec le code postal. Et il y a tout le temps la bulle, le site va être fermé entre telle heure et telle heure. Mm-hmm. Les sites canadiens, c'est comme des boutiques, genre, on dirait. Ils sont pas capables de le laisser 24 heures sur 24. Fait qu'un crash comme ça aurait aussi pu être le gouvernement qui a décidé que, ah là, il va y avoir trop de monde qui vont venir, on voudrait pas que ça crash, on va le fermer. Ça. Exactement. C'est un peu ça. C'est les Canadiens et les Australiens et les gens à Singapour qui ont fait en sorte que le site d'immigration a crashé ici au Canada. Crash. Par contre, en après-midi, là, les Américains ont fait comme, ben voyons, pourquoi le site d'Immigration Canada a crashé? Parce que la nouvelle du crash alors, a fait le tour. Eux se sont intéressés à aller sur le site d'Immigration Canada plus tard dans la journée hier, mais le matin, c'est nous qui avons fait en sorte que le site a crashé. C'est un travail d'équipe encore. Quel beau travail oui. d'équipe, écoute. On se peut plus. Mathieu, je sais pas si tu te souviens, mais ça fait peut-être quelques mois, j'ai parlé de la pilule contraceptive qui pourrait être aussi donnée aux hommes. Oui, on travaillait justement à la recherche d'un moyen contraceptif pour les hommes, pour pas que les femmes soient les seules à avoir la responsabilité, justement. Exact. Donc, on parle sur le site de Ici Radio-Canada, les hommes qui pourront bientôt faire leur part des choses. C'est-à-dire que si la contraception masculine permettait aux couples de partager les effets secondaires indésirables du contrôle de la fertilité, les chercheurs n'ont pas encore été capables de trouver ou de créer un équivalent masculin commercialisable de la pilule contraceptive. On sait, on cherchait, on travaillait à créer cette fameuse pilule contraceptive-là il y a quelques mois, mais on s'approche. Ne vous inquiétez pas, il y a une récente étude sur une injection hormonale pour les hommes qui a d'ailleurs été démontrée et recherchée un petit peu partout dans le monde avec un bon taux de prévention des grossesses. Donc, ça serait une injection qui serait donnée aux hommes. Par contre, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a une très grande faction, beaucoup trop importante, des cobayes masculins qui ont décidé de lâcher la recherche parce que les effets secondaires sont pas ce qu'ils veulent. Mais les effets secondaires qu'ils ressentent sont en fait les effets secondaires que toutes les femmes ressentent avec la pilule contraceptive. Et c'est trop pour eux. Ou ouais. Les moyens contraceptifs, et c'est beaucoup trop pour eux. Alors, on est en train de perdre les cobayes sur le c'est moyen contraceptif. C'est quoi les effets secondaires que t'as quand tu prends la pilule? Dépression. Ouais. Tu te sens beaucoup plus down. T'as des sauts d'humeur beaucoup trop importants. T'as beaucoup trop faim. Tu pleures souvent. Donc, tout ça déplaît aux hommes. Ben alors, ouais, on est en train de perdre les cobayes pour les moyens contraceptifs masculins. Comment tu peux ne pas t'en rendre compte? En tant que gars qui a fréquenté, mettons, des femmes, tu sais qu'est-ce qui leur arrive. Oui. Tu les fréquentes. Tu sais qu'ils sont... Est-ce que tu penses que c'est juste parce qu'elles sont des femmes et non pas parce qu'elles prennent la... Ça doit être ça. Exactement. C'est certainement ça. Alors là, on est en train de dire qu'on veut pas subir les effets secondaires indésirables du côté des hommes pour justement avoir cette espèce de part de responsabilité-là aussi dans les moyens contraceptifs. Hey, hey. J'espère qu'il va y avoir une avancée là-dessus. C'est ça. Sinon, ça sera pas cute. Oh no. Dans un couple, si les deux prennent la pilule, mettons. Oui, exactement. Mais ça serait peut-être une bonne chose. Ben oui, ben c'est sûr. Les deux déprimés en même temps. Exactement. Au moins, on se comprendrait. Mathieu, d'ici quelques temps, toutes les Ferrari devraient devenir hybrides. Oh! Ok, oui. En fait, c'est le PDG du groupe Fiat Chrysler et par le fait même le grand patron de Ferrari, qui est Sergio Marchionne, qui rêve de voir les ventes mondiales de Ferrari franchir le cap des 10 000 unités par année, c'est-à-dire d'avoir plus de 10 000 ventes de voitures par année. Et pour ça, il envisage de se tourner vers les moteurs hybrides qui pourraient équiper toutes les Ferrari à partir de 2019, là, pas l'année prochaine, mais quand même d'ici 3 ans. Donc, c'est du moins ce que rapportait hier la publication dans le magazine Automotive News Europe. Et en équipant les voitures de motorisation hybride, Ferrari pourrait vendre plus de véhicules en respectant les normes justement en matière d'émissions polluantes. Donc, à l'heure actuelle, seule la Ferrari... C'est son nom, la Ferrari. Oui, exactement, c'est son même nom. Même en anglais, c'est la Ferrari. Ouais. Donc, c'est la voiture phare et hyper exclusive de la marque au cheval cabré qui est propulsée par un moteur hybride. Présentement, c'est le seul modèle que tu peux avoir de façon hybride, mais le dernier développe 949 chevaux et la décision d'ajouter un moteur électrique à l'équation s'explique par une quête de performance beaucoup plus qu'un souci de l'environnement. Mais quand même... Si ça fait ça comme accessoirement, c'est une bonne chose. Oui, exactement, parce que ça va quand même engendrer des effets écologiques beaucoup moins graves sur la planète. Donc, de ce côté-là, c'est quand même bien. On parle de Ferrari, qui est une marque de transition à l'heure actuelle. Donc, en 2014, le constructeur italien avait annoncé vouloir réduire l'empreinte écologique de ses modèles par une série de moyens à court et à moyen terme. Donc, ça serait un des projets, justement, qui rentrerait dans ce gros projet-là. Et M. Marchionne avait aussi annoncé par le passé vouloir augmenter les revenus en positionnant Ferrari comme une marque de produits de luxe, mais pas uniquement comme un manufacturier automobile. Donc, Ferrari allait se lancer dans la création de divers produits haut de gamme pour ajouter à son offre automobile. Un petit peu comme on parlait avec... par exemple, Audi la semaine dernière qui allait faire un petit peu la même chose. Ou encore, quand on parlait du développement de la voiture qu'Apple voulait faire, on parlait d'un projet qui était de justement se dissocier des téléphones pour justement aller vers la voiture, avoir comme une espèce de « on the side », si ouais. on pourrait dire. Et Ferrari voudrait faire la même chose. Puis en septembre, bien, la marque a dévoilé la Ferrari GTC4 Lusso, qui est une évolution de la Ferrari FF, qui met en fait l'accent sur le confort, la conduite au quotidien, les performances sur circuit. Mais là, on parle vraiment d'une voiture qui pourrait devenir hybride et tous les modèles pourraient devenir hybrides d'ici 2019 pour la grande compagnie de Ferrari. Il faut le Ferrari. Non. Oh. Oh, t'as-tu vraiment dit ça? Ouais. du côté de Trois-Rivières, un petit peu plus local. Ouais, pour faire un petit peu plus exotique, Trois-Rivières-Arry. Exactement, Trois-Rivières-Arry. Ouais. On parle du port de Trois-Rivières parce qu'en fait, il y a un nouveau terminal qui devrait arriver ici à Trois-Rivières. Et par ce fait même, c'est avec un mois d'avance et à l'intérieur du budget qu'on avait prévu justement que le chantier de construction du quai du port de Trois-Rivières va s'achever d'ici la fin du mois. Ah ouais. Donc, d'ici décembre, des gros navires vont pouvoir commencer à accoster ici même à Trois-Rivières. L'espace va pas manquer pour manutentionner de la marchandise. Donc, on parle d'une superficie totale d'environ 23 500 mètres carrés. On y trouve aussi d'ailleurs des pièces d'éoliennes de Marmène présentement. On parle d'un endroit qui était devenu désuet. Les quais 13 et 14 avaient dû être condamnés dans les dernières années, mais là, on a décidé de justement revamper tout ça. Et c'est avec des travaux comme celui-là qu'on va redonner au port une capacité perdue qui va être retrouvée, c'est-à-dire le plein usage de ces deux quais, un espace répondant aux besoins actuels des utilisateurs. Et c'est ce qu'expliquait le président directeur général de l'administration portuaire, M. Gaétan Boivin. Et selon lui, les installations trifluviennes vont fournir aux entreprises de la région un meilleur accès au marché extérieur et ça va aussi contribuer à la création d'emplois. Parce que les travaux du Quai 13 constituaient les derniers éléments du plan CAP sur 2020 que le port de Trois-Rivières va avoir réalisé avec 3 années d'avance sur l'échéancier, ce qui est excellent en passant. Et les travaux de construction du terminal comprenaient aussi la démolition du hangar numéro 13, la reconstruction du quai numéro 13, la consolidation du quai 14 et l'aménagement de l'aire d'entreposage extérieur qui est située le long des quais et aussi des voies routières et ferroviaires qui donnent accès à cet ensemble d'infrastructures-là. Alors, on parle d'un projet qui nécessitait la construction de plusieurs autres hangars, de remplacement d'hangars aussi, mais on voit finalement la fin à tout ça et on va pouvoir justement mettre en branle ce fameux commerce au port de Trois-Rivières-là. Et je trouve ça quand même cool. Oui. Tu sais, pas juste le port de Montréal. C'est ça? Hein? Ouais, ben justement, c'est ça. On a dit Trois-Rivières à Ri pour faire plus sophistiqué. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Trois-Riwood. Porta. Trois-Réal. Oui, oui. Ben Trois-Réal. Ben oui. C'est plus big. Pourquoi pas? Ouais. On va terminer en fait avec ça, Mathieu, si tu me le permets. Je te laisse la permission. Merci. On a parlé plusieurs fois du projet de football à l'université ici à Trois-Rivières. Ça finit plus de finir, ça. Ça finit plus de finir, mais on en parle encore cette semaine. C'est un article qui est sorti le 8 novembre, c'est-à-dire avant-hier, mardi. On parle encore du football. Donc, après 3 ans de dur labeur, les promoteurs de football sont engagés dans une course contre la montre présentement pour amener tout ça à Trois-Rivières. On croit disposer de quelques heures, tout au plus de quelques jours, pour enfin attacher un projet qui va obtenir les dirigeants de l'Université du Québec à Trois-Rivières avec le football, c'est-à-dire une course effrénée qui peu à peu va se voir finir aux alentours du 26 novembre. Ça serait la date limite pour déposer une candidature pour inscrire une équipe dans la Ligue de football universitaire du Québec. Alors, on joue aux alentours de ces dates-là. On fait vraiment les derniers pas là, pour arriver à mettre un projet sur la table du côté de l'université. Et la principale raison du sprint, en fait, c'est que l'équipe à Jean-Guy Paré a perdu le soutien de son principal financier, le Prix du Gros. C'était un très, très gros partenaire par rapport à l'équipe de football de l'université, mais on l'a perdu présentement par rapport aux dernières nouvelles qu'on avait reçues, plusieurs noms surtout qu'on avait reçus. Alors, dans le plan des promoteurs, l'entreprise qui est pilotée par la famille du Sablon s'était engagée à acheter 12 000 billets par année pour les matchs de football, ce qui assurait la rentabilité des opérations ici à l'UQTR pour l'équipe de football. Mais le prix du gros est tanné de se heurter, surtout aux réponses négatives de ce projet-là. Alors, les dirigeants ont décidé de passer un autre appel la semaine dernière. Ils ont appris que les négociations des derniers mois avaient accouché d'un autre échec et c'est comme ça que le prix du gros s'est simplement retiré du dossier, ce qui est un petit peu comprenable aussi, parce que comme on dit en bon québécois, ça gosse dans le manche un petit peu. D'habitude, ça branle dans le manche, mais bon. Ben, ça gosse dans le manche aussi, hein, ouais. Même affaire. Donc, la présence d'une entreprise est essentielle pour un projet comme celui-là. Il faut comprendre que les retombées économiques sont importantes aussi, surtout pour l'UQTR qui est déjà un petit peu dans le pétrin du côté financier, on le sait. Mais est-ce qu'on va vraiment arriver à pouvoir mettre le projet sur la table d'ici le 26 novembre? On va savoir le 26 novembre. C'est très bientôt. J'espère qu'ils porteront pas un nom comme le prix du gros, l'équipe de football. Ben, en fait, on dit que si on échoue encore une fois, la région de Trois-Rivières va avoir échappé à un excellent projet mobilisateur qui est piloté par 35 anciens étudiants de l'UQTR qui sont prêts à investir du temps, de l'argent pour justement faire fonctionner cette équipe de football-là. Et c'est difficile de croire qu'une université qui cherche par tous les moyens justement à faire oublier pendant des années le problème économique qu'on avait pourrait se priver d'un véhicule comme celui-là pour justement regagner peut-être popularité et aussi du bidou. Bref, la beurre épais. Hein? On va savoir tout ça d'ici le 26 novembre. La beurre épais. J'en ai assez dit, et t'en as assez dit aussi, mais merci beaucoup pour ton petit bulletin de nouvelles. Ça fait plaisir. Hebdomadaire, on fait ça les jeudis à Assemblage requis. Merci. Oui. Une pause. Après ça, le reste de l'émission, c'est une grosse pointe à l'adresse. Fait qu'on reste là. OK, oui. OK. Vous êtes assez fous pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Vous êtes à l'Assemblage Rocky en ce jeudi 10 novembre 2016, c'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ouais, on a ramené Alex Marchand, la collègue de la GEQTR. Salut Alex. Allô. Et on a amené en général David Ferron. Allô. Chroniqueur en général, je dirais collaborateur particulièrement particulier. Allô. Allô. Allô. Ça va bien? Ah, salut Tania. Ah, c'est ce qu'il attendait. Il voulait qu'on sache qu'il va bien. Ouais, c'est ça. On n'a pas énormément de temps pour la chronique d'aujourd'hui, donc commençons là tout de suite. Voici une grosse pointe Aldress. J'oublie toujours de fermer les micros parce que David parle par-dessus les intros tout le temps. C'est David! Hey. Donc aujourd'hui, pour une grosse pointe d'adresse... Excuse-moi, je me serais. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique où on parle de malbouffe, où on goûte... où on achète des choses en dépanneur ou en épicerie ou en pharmacie ou peu importe. Exact. Je me suis tellement fait rire que j'ai comme morvé, genre. Eww! Merci. Non, mais là, caméra 3. On me dit que j'ai trop de détails en ondes. Aujourd'hui, c'est David Ferron qui nous a amené les produits à goûter. Encore une fois, tu t'es beaucoup trop donné, David Ferron. Où tu vas pour acheter ces... Tu sais, à chaque fois, c'est comme des sodas spéciaux. Ouais, mais il y en a même en plus, c'est 4 tout bouteilles. À la même place? Ben, même pas. La dernière fois, c'était dans une épicerie, puis cette semaine, c'est une autre épicerie. Ah, OK. Ah. Mais laquelle? Pas d'épicerie, ouais. Ah, cette on peut fois? Les mentionner? Ah, non. OK, on les mentionne pas. Une grande chaîne, on va dire. C'est ça. Disons que c'est dans un coin où que toutes les épiceries sont toutes dans le même coin. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Fait que vous faites un guess, vous fermez les yeux, mettez sur une chaise de bureau. Tournez sur votre chaise. Puis vous transportez sur des forges. Quelque part dans ce coin-là. C'est ça. Donc, David, tu nous as apporté de la boisson gazeuse cette fois-ci. Encore une fois, en fait, je pense qu'à toutes les fois qu'on s'est parlé, les trois dernières fois, c'était des boissons gazeuses. Et que je suis original dans mes thématiques. Ben, tu peux varier éventuellement, mais pour l'instant, ça va très bien, on aime ça. Hein? Oh oui, oui. Ouais, et aucune sorte au gingembre, je suis très assuré. La semaine passée, David a bu du gingembre, la bouteille quasiment au complet, il l'a calé d'un coup sec. C'était bon. Je sais pas comment il fait. C'était bon. C'était tellement puissant. Sérieusement, j'avais un rhume et je n'avais plus de rhume. Ça guérit pour vrai. C'était merveilleux. Oui, il a donné à Tania à la place. La fond, c'était pas du soda, c'était du sirop pour la toux. Oui, c'est ça, exactement. Ça goûtait un peu ça. C'est la nouvelle liqueur Buckley's. Ça goûte très, très mauvais, mais ça marche. Ah non, moi, j'aime ça le goût du gingembre. Ah, je pensais à dire que t'aimais le goût du Buckley's. Je sais comme, wow, il y a

4 pouces en l'air, c'est génial. Quelques petites nouvelles de fast-food pour l'instant. On va y aller avec du café. Après la liqueur, je trouve que le café, ça fit. L'amour du café qu'ont les millennials, pourrait contribuer à un manque de café dans le monde. C'est sûr. Ouais. Donc, on dirait que le manque de café pourrait être un problème qui reviendrait aux 19-34 ans. Selon Bloomberg, les jeunes boivent du café en nombre record. La météo sèche au Brésil a ralenti la récolte de café. T'es-tu en train de me dire qu'on est en train de tuer la récolte de café dans le monde? Plus de compagnies commencent à utiliser de l'arabica comme alternative, mais on a de la misère à tenir le rythme de la demande. Durant la dernière semaine du mois d'octobre, les prix du café arabica à New York ont augmenté à leur plus haut point en 20 mois. La demande de café aux États-Unis va arriver à des records très bientôt et les goûts des milléniaux pour ce breuvage contribuent au problème. La génération est responsable de 44% de la consommation totale du café. 44% pour les 19 à 34 ans, c'est vraiment énorme. Selon la National Coffee Association, 48% des gens entre 18 et 24 ans et 60% entre 25 et 39 ans boivent du café quotidiennement. Les gens qui boivent du café aussi développent l'habitude plus tôt dans leur vie. Les milléniaux nés après 1995 commencent à boire du café avant l'âge de 15 ans. Pour vrai, non? Okay, ouais. J'ai attendu plus tard que ça. Hey, j'ai commencé à genre 16 ans. Ben, à peu près ça, ouais. Moi, j'ai commencé 17-18. Moi, peut-être même plus tard que ça. Par comparaison, les milléniaux qui sont plus vieux dans ce spectrum-là ont commencé à boire du café à l'âge de 17 ans. Je pense que c'est à peu près nous dans ce cas-là. La pression qu'on met sur l'industrie ne se limite pas au marché américain. On dit que le Brésil et la Chine ressentent aussi les effets de leur assoiffée. C'est ça, exactement. Bref, on va bien voir ce que ça va donner. Ah, mais voyons donc. Ouais. Il y a seulement 3 femmes qui fabriquent les pâtes les plus rares sur Terre. Ouh, OK. Ouais, de la nourriture qui goûte meilleure quand elle est plus rare, comme on l'appelle. C'est le sous-filindou qui veut dire donc la laine de Dieu. C'est fabriqué par 3 femmes qui vivent sur l'île italienne de Sardinia. Newser a partagé une petite vidéo qui est sur assemblagerequis.com qui suit la préparation de la recette étape par étape. C'est un plat de pâtes passé d'une génération à l'autre. Ça date d'il y a 3 siècles. C'est pas particulièrement compliqué. La pâte, c'est de la semolina flour, farine de semolina, de l'eau et du sel. C'est l'étirer qui est la partie difficile. On doit tirer et plier 8 fois pour créer des fils qui ressemblent à des cheveux. Et à partir de là, on met les nouilles sur une surface circulaire en chassé-croisé style... rotin. Et on laisse sécher au soleil. Ils vendent-tu, genre? Ouais, c'est ça, je pense que oui. Donc, c'est servi dans de façon traditionnelle avec un bouillon de mouton et de fromage, du fromage pecorino. Et puis, ça ressemble vraiment à quelque chose de typiquement italien. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Les pâtes elles-mêmes sont tout sauf typiques et on dit que si on veut les essayer, il faut absolument aller en voyage à Sardinie. Bon, allons tous à Sardinie. Tous ensemble. Et voici pourquoi la crème glacée au raisin n'existe pas. Peut-être que vous avez déjà demandé. Je me suis déjà posé la question. Comment se fait qu'il n'y a pas de crème glacée au raisin alors qu'il y a des breuvages au raisin, des popsicles, des confitures, même des médicaments au raisin? Mais pour une raison mystérieuse, c'est difficile de trouver de la crème glacée au raisin. Dans une entrevue avec Threelist, le cofondateur de la compagnie de crème glacée Ben & Jerry's, Ben Cohen, nous a aidé à comprendre un peu. Contrairement à la croyance populaire et les théories du complot, la raison est surtout logistique. Les raisins ont au contenu en eau. Donc, quand on essaie d'utiliser le fruit comme base pour une crème glacée, des bouts de l'eau vont congeler. Et les chefs font des petites portions de crème glacée au raisin pour éviter ce problème-là et ils vont mettre le fruit en purée. Mais c'est plus difficile de faire de grands volumes de crème glacée de cette façon-là. D'autres fruits comme les cerises sont aussi surtout de l'eau. Cherry Garcia est une des saveurs les plus populaires chez Ben & Jerry's, donc ils utilisent beaucoup de cerises. C'est possible de faire une crème glacée aux fruits à plus grande échelle, mais la demande doit être là. Donc c'est parce que le modèle Cherry Garcia est si populaire que c'est plus facile d'en faire en grande quantité. Les gens n'associent pas vraiment les raisins avec la crème glacée, donc si Ben & Jerry's fabriquait une crème glacée aux raisins, ce serait probablement pas un produit très populaire. Plus les popsicles. C'est ça. Ces complications n'ont pas arrêté d'autres compagnies d'essayer de faire leur propre crème glacée au raisin. Airheads, qu'on connaît pour ses bonbons, l'a essayé. Ben & Jerry's a essayé de faire une crème glacée au raisin ainsi qu'une crème glacée Sugar Plum aux prunes qui goûtait un petit peu comme les raisins, mais aucune des saveurs ont décollé. Et à la fin, c'est qu'on dit que ça prend beaucoup trop de travail pour faire une bonne crème glacée au raisin. Et si le public ne le demande pas, alors pourquoi en faire? Voilà, alors on a juste fait trois articles, mais on s'est amusé quand même. Ben oui. Merci à tous pour votre participation. Merci David Ferron. Ben, fait plaisir. Merci Alex Marchand. Merci. Voilà. Nous, on va terminer l'émission ici parce que Génie en liberté s'en vient dans les prochains instants, à partir de 9h30, quelques minutes dépassées. Sinon, plus tard dans la journée, après Génie en liberté, ce sera l'émission de Sport Patriote en action. À midi, la rediffusion du Mathieu Planchot. À 15h, rediffusion de la sortie de secours à votre gauche. À 16h, rediffusion de Radio Sonic. À 18h, rediffusion de Lop Trotter. À 19h, très blues, assez fou, en direct. Oh oui! De retour, CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balados-diffusions. À lundi, 6h30. Merci, Tania. Merci à toi, Mathieu. Et merci à vous d'avoir écouté. Bye bye! Bye, bon café! Bye bye! Bye bye! Bye, bye. J'ai respiré bien d'un coup, la muraille s'est effondrée.